Les Maroon 5 sur RGM, presque 8h37, on parle anniversaire. Il s'en est un 2 avril 1945, naissance de Linda Hunt, actrice américaine vue dans l'année de tous les dangers dans le rôle de Billy, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, un flic à la maternelle, prêt à porter. On l'a vue dans la série The Practice dans le rôle de la juge Zoe Hiller, mais on la connaît surtout pour son rôle d'Henrietta Lange, alias Etty, depuis 2009. Dans la série NCIS Los Angeles. 1949, naissance de Pamela Reed, actrice américaine connue pour son rôle de Gail Green dans la série Jericho, vue dans Grey's Anatomy, Les Experts, Esprit Criminel, NCIS Los Angeles dans le rôle de Roberta Dix. 1956, naissance de Marc Caro, réalisateur français à qui l'on doit Délicatessen, récompensé par le César de la meilleure première œuvre et le César du meilleur scénario original ou adaptation, et on lui doit également La Cité des Enfants Perdus. 1961, naissance de Christopher Meloni, acteur américain vu dans L'Armée des Douze Singes, Just Married ou Presque, la série télé Oz dans le rôle de Christopher Keller et la série New York Unité Spéciale dans le rôle de l'inspecteur Elliot Stabler. C'est également l'année de naissance de Marie-Ange Nardi, animatrice télé française qui de 1992 à 98 a présenté Pyramide, de 96 à 2002 l'émission Qui est qui, et depuis 2008 elle présente le télé-shopping. 1975, naissance d'Adam Rodriguez, acteur américain, vu au cinéma dans Magic Mike ainsi que Magic Mike XXL dans le rôle de Tito, vu dans la série télé Roswell dans le rôle de Jesse Ramirez, Les Experts Miami dans le rôle d'Eric Delco, Ugly Betty dans le rôle de Bobby Talercio et Esprit Criminel depuis quelques saisons maintenant dans le rôle de Luc Alves. 1977, naissance de Michael Fassbender, acteur germano-irlandais, vu dans Hunger dans le rôle de Bobby Sands, Inglourious Basterds dans le rôle du lieutenant Archie E. Cox, X-Men Le Commencement, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse dans le rôle d'Eric Lesher alias Magneto, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans X-Men Dark Phoenix, sortie prévue au mois de juin de cette année, vu également dans 12 Years a Slave, le film Steve Jobs où il incarnait Steve Jobs, ou encore Assassin's Creed. 1979, naissance de Jesse Carmichael, musicien américain du groupe Maroon 5. 1981, naissance de Bethany Jo Lenz, actrice et chanteuse américaine, vue dans Charmed, connue pour son rôle d'Ellie James Scott dans la série Les Frères Scott, vue dans la série Colony dans le rôle de Morgan et apparue dans quelques épisodes de Grey's Anatomy dans le rôle de Jenny. C'est également l'année de naissance de Raphaël Hamburger, producteur de musique, fils de France Gall et de Michel Berger. 1982, naissance de David Ferrer, joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2000. Son meilleur classement à l'ATP, c'est une troisième place atteinte en 2013, une fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open, quart de finaliste à Wimbledon. Et avec l'Espagne, il a remporté trois Coupes Davis, c'était en 2008, 2009 et 2011. 1984, naissance de Jérémy Morel, footballeur français, qui de 2003 à 2011 a joué à Lorient, de 2011 à 2015 à Marseille et depuis 2015 il joue à l'Olympique Lyonnais. 1988, naissance de Jesse Plemons, acteur américain vu dans la série Friday Night's Life dans le rôle de Landry Clark, Breaking Bad dans le rôle de Todd Alquist, vu également dans Les Experts, NCIS Enquête Spéciale ou encore Grey's Anatomy. En 1872, décédé Samuel Morse, inventeur américain, développeur d'un télégraphe électrique et d'un alphabet qui porte tous deux son nom. En 1998, décédé Jackie Sardou, actrice française, vue dans le film On a retrouvé la 7e compagnie, dans le rôle de Madame Crouzy, dite la mère Crouzy, ou encore à la télévision dans la série Maggie, dans le rôle de Madame Bignol. 2003, décédé Edwin Starr, chanteur, compositeur américain, et en 2005, décédé Jean-Paul II, 264e pape, de 1978 à 2005. Avant de marquer une petite pause, le communiqué sur le mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides, qui organise un rassemblement à Dommartin-les-Remiremont ce vendredi à 18h30, place de la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides, plébiscite de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur Internet en se rendant sur le site Nous voulons des coquelicots tout attachés. .org. Allez, petite pause musicale avec l'actrice et chanteuse Bethany Jo Lenz qui interprète le titre Halo qu'on a d'ailleurs pu entendre dans la fameuse série Les Frères Scott. I never promised you a ray of light. I never promised there'd be sunshine every day. I'll give you everything I have, the good, the bad. Why do you put me on a pedestal? I'm so up high that I can't see the ground below. So help me down, you got it wrong. I don't belong there. Bethany Jo Lenz, c'est son titre Hello sur le 107 FM. Il est pile 8h46, on file vers la météo. La météo. Alors, profitez bien ce matin du soleil, tout de même accompagné de quelques nuages, mais on peut quand même bien apercevoir hein, le soleil. Mais malheureusement, ça ne va pas durer, ça va se couvrir en fin d'après-midi, soirée, avec des averses de pluie à prévoir. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin, entre 16 et 17 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, on passera la journée sous la pluie. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 7 et 9 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et alors jeudi matin, on pourrait s'attendre à avoir quelques flocons de neige. Et oui, la neige n'a encore pas dit son dernier mot. Nous sommes que début avril. Rien de bien méchant, hein, ne vous inquiétez pas. Et sinon, le reste de la journée sera plutôt mitigé, alternance d'éclaircies et de pluie. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés jeudi matin. Voilà pourquoi on peut avoir quelques flocons de neige. Et entre 7 et 9 degrés pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football en Ligue 1, Saint-Etienne s'est imposé 2-1 face à Nîmes. Il y a de la Coupe de France ce soir avec la demi-finale entre Lyon et Rennes. Un mot de basket avec les résultats de NBA et c'était pas franchement une soirée pour nos Français, quoique. On commence avec l'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, tout de même à 21 points, mais ça n'a malheureusement pas suffi face à Toronto. Orlando s'incline 121 à 109. L'Utah Jazz de Rudy Gobert affrontait l'équipe de Charlotte de Tony Parker et de Nicolas Batum. À noter qu'à Charlotte, les Français n'ont pas joué. Tony Parker toujours absent pour raison personnelle et Nicolas Batum n'a pas été aligné. Et côté Utah Jazz, eh bien Rudy Gobert a été à 18 points et 18 rebonds cette nuit, ce qui a notamment permis à son équipe de s'imposer 111 à 102. Les Chicago Bulls de Lua Okabaro à 10 points se sont inclinés face à l'équipe de New York, 113 à 105. L'équipe de Phoenix de Okobo à 6 points s'est imposée 122 à 113 face à Cleveland. Et enfin, l'équipe de Boston de Yabusele, une assistance, un rebond, s'est imposée 110 à 105 face au Heat de Miami. Un mot de tennis avec tout d'abord, le tournoi de Charleston où malheureusement Alizé Cornet a déclaré forfait avant son entrée en compétition touchée aux adducteurs. Et Pauline Parmentier s'est inclinée en 2-7 face à Kik, 6-3, 6-0. Il n'y a donc plus de Françaises en compétition dans ce tournoi. Et à Monterrey, aujourd'hui, Mladenovic affrontera Haddad Maia. Et il y a du hockey sur glace ce soir avec le troisième match de la finale de la Ligue Magnus, la finale qui, je vous le rappelle, oppose Rouen à Grenoble. Ce soir, ça se passe sur la glace grenobloise et Grenoble mène cette finale de manche à zéro. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le chanteur Edwin Starr, connu pour son titre War, dont on écoute, qu'on écoute tout de suite. To me. Oh, war. I despise costing me destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Get said again. War. Oh, Listen to me. Whoa. It ain't nothing but a heartbreaker. Whoa. It's got one friend, that's the Undertaker. To me. What? It ain't nothing but a heartbreaker. What? Friend only to the Undertaker. Oh! He's loving, understanding. Tell me, is there no place for the end of the day? They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh! What? Edwin Starr avec le titre War, et j'étais en train de chercher où j'avais entendu cette chanson parce que ça me disait vraiment quelque chose. Eh bien, c'est dans le film Rush Hour notamment qu'on peut entendre cette chanson. Alors peut-être que vous vous êtes posé la même question que moi, voici la réponse. Allez, il est presque 8h53 d'ailleurs, il est pile 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. 9h durablement vôtre, à 10h30 vous retrouverez Plus belle la vie, 13h30 la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia, 16h rediffusion de Jukebox, 20h La parole est à vous avec Michel, 22h J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique, 23h 20 Flight Rock. Nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.